professeur Patrick, grand amateur de rhétorique, a fini son étude psychologique sur la trique épique. L'étude plutôt analytique a aussi un aspect synthétique qui rend compte du champ sémantique de la sexualité mythologique. Le professeur Patrick, grand amateur de rhétorique, a fini son étude psychologique sur la trique épique. L'étude plutôt analytique a aussi un aspect synthétique qui rend compte du champ sémantique de la sexualité mythologique. Jusqu'au plus profond des chevaliers. Mais bien plus qu'un chercheur éthique, le professeur Patrick a une personnalité homérique, donc charismatique. Mais bien plus qu'un chercheur éthique, le professeur Patrick a une personnalité homérique, donc charismatique. Actuellement de plénitude gastrique.